Question 23. Ce véhicule roule lentement. Je peux le dépasser. Par la gauche? Oui, réponse A. Non, réponse B. Par la droite? Oui, réponse C. Non, réponse D.